Ah, ça, c'est bon. J'ai appelé toute la journée, mon frère, ton téléphone, occupé, occupé. Ça répond, c'est bon. Au travail, là. Là, c'est là. Quoi, les gars? Hey, my bro. How are you? Ça va, mon frère? Ça va. Madame, comment ça va? Hey, espagnol, ça va, bien? Tranquille, vous regardez quoi, le Chili, hein? T'as vu tout ce qui se passe bien, là? C'est fou, hein? Je suis content, mon frère. C'est le changement maintenant, mon frère. Ça y est, regarde-moi tout ça. Belle manifestation. Frère, t'as un studio ici. Bien sûr. Frère, je reviens, je ne veux pas être blessé. Je ne veux pas. On va faire un son là tout de suite. Prends-moi le studio, ça. Ça, c'est bon, ça. Allez, moi, tout de suite, vivant dans l'union. نهار اليوم ماشي كي غدوة يا صاحبي سال يا ملسان ماك محال ماكاش عداوة يا قلبي متعذب معاك نهار اليوم ماشي كي غدوة يا قلبي سال يا ملسان ماك محال ماكاش عداوة Je suis algérien et fier qui cherche la lumière où il y a un...